Chapitre 8e. Dès l'entrée du cortège sur le Mail, la contenance, la physionomie de Frédéric avait subi une transformation si étrange que David, d'abord attiré vers la croisée par le bruit des fanfares, s'était brusquement arrêté, ne songeant plus qu'à contempler avec une surprise croissante cet adolescent dont les traits, malgré leur rare beauté, étaient devenus presque effrayants. En effet, au sourire amer qui, un instant auparavant, contractait les lèvres de Frédéric pendant qu'il regardait au loin le château, avait succédé, lors de l'apparition du cortège de la Saint-Hubert, une expression de douloureuse surprise. Mais quand vint à passer au milieu des acclamations d'un grand nombre de spectateurs, Raoul de Pontbriand, vêtu de son élégant habit de vénerie galonné d'argent et montant avec une grâce parfaite son superbe cheval de chasse noir comme l'ébène, les traits de Frédéric devinrent d'une lividité jaunâtre, tandis qu'appuyés sur la barre d'appui de la fenêtre, ses deux mains se crispèrent si violemment qu'un réseau bleuâtre de veines gonflées apparut sous la blancheur de l'épiderme. On eût dit qu'un charme fatal, retenant ce malheureux enfant à cette croisée, l'empêchait de fuir un spectacle odieux pour lui. Aucun de ces sentiments contenus ou violents n'avait échappé à David, qui devait à une longue expérience des hommes et à son esprit observateur une connaissance profonde de l'âme humaine. Aussi, sentant son cœur se serrer, il se dit, en jetant sur Frédéric un regard de commisération profonde, « Pauvre enfant, déjà connaître la haine. Car, je n'en doute pas, c'est de la haine qu'il éprouve contre cet autre adolescent qui monte ce beau cheval noir. Cette haine, d'où peut-elle naître ?» David faisait cette réflexion lorsqu'arriva le burlesque incident du vieux cheval de labour, rudement châtié par le jeune marquis, à l'applaudissement des spectateurs. En voyant battre son cheval, la figure de Frédéric était devenue terrible, ses yeux, dilatés par la colère, s'étaient injectés de sang. Enfin, poussant un cri de rage, il se fut, dans sa fureur aveugle, précipité par la fenêtre pour courir sur le marquis s'il n'eût pas été arrêté par David, qui le prit à bras-le-corps. Cette brusque étreinte, causant à Frédéric une commotion de surprise, le rappela lui-même. Son premier saisissement passé, il dit à David, d'une voix tremblante de colère, « Qui êtes-vous, monsieur? Pourquoi me touchez-vous? Vous vous penchiez si imprudemment par cette fenêtre, mon enfant, que vous étiez sur le point de tomber, » répondit doucement David. « J'ai voulu prévenir un malheur. »« Qui vous dit que c'eût été un malheur ?» répondit l'adolescent d'une voix sourde. Puis il s'éloigna brusquement, se jeta sur un fauteuil, cacha sa tête entre ses mains et se mit à pleurer en silence. L'intérêt, la curiosité de David était de plus en plus excité. Et il contemplait avec une muette et tendre compassion ce pauvre enfant, alors aussi accablé qu'il n'était naguère violemment surexcité. Soudain, la porte du cabinet du docteur s'ouvrit. Madame Bastien parut, accompagnée de M. Dufour. Les premiers mots que Marie, sans remarquer David, prononça en cherchant Frédéric des yeux furent « Où est donc mon fils ?» Madame Bastien ne pouvait en effet l'apercevoir. Le fauteuil où il s'était jeté en pleurant se trouvait caché par la projection du battant de la porte. À la vue de la touchante et angélique bonté de la jeune femme, qui, nous l'avons dit, paraissait avoir 20 ans à peine, et dont les traits offraient une ressemblance extrême avec ceux de Frédéric, David resta un moment frappé de surprise et d'admiration, sentiment auquel se joignait un intérêt profond, car il apprenait qu'elle était la mère de l'adolescent pour lequel il éprouvait déjà une commisération sincère. « Mais où est donc mon fils ?» répéta Madame Bastien, en faisant un pas de plus dans le salon et commençant à regarder autour d'elle avec une sollicitude inquiète. David, lui adressant alors un signe d'intelligence, l'invita par un geste significatif à regarder derrière la porte, ajoutant à voix basse « Pauvre enfant, il est là !» Il y eut dans l'accent, dans la physionomie de David, lorsqu'il prononça ces seuls mots « Pauvre enfant », quelque chose de si doux, de si émue, que d'abord étonnée à la vue de cet étranger, elle lui dit, comme si elle l'eût connu, « Mon Dieu, qu'y a-t-il? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ?»« Il ne m'est rien arrivé, ma mère. » reprit soudain l'adolescent qui, pour essuyer et cacher ses larmes, avait profité du moment pendant lequel il n'était pas vu de Madame Bastien. Puis, saluant d'un air sombre et distrait le docteur Dufour qu'il traitait jadis avec une si affectueuse cordialité, Frédéric, s'approchant de Marie, lui dit, « Viens-tu, ma mère ?»« Frédéric !» s'écria-t-elle en prenant les deux mains de son fils et le couvrant pour ainsi dire des yeux avec angoisse. « Tu as pleuré ? Non, non, dit-il en frappant impatiemment du pied et dégageant ses mains de celles de sa mère. Viens, partons. N'est-ce pas, monsieur, qu'il a pleuré ? S'écria-t-elle en interrogeant David d'un regard alarmé. Eh bien oui, j'ai pleuré, répondit Frédéric avec un sourire sardonique. J'ai pleuré de reconnaissance, car monsieur, et il montra David, m'a empêché de tomber par la fenêtre. Maintenant, ma mère, tu sais tout. Viens, sortons. Et Frédéric se dirigea brusquement vers la porte. Le docteur Dufour, non moins surpris et affligé que Madame Bastien, dit à David, « Mon ami, qu'est-ce que cela signifie ?»« Monsieur, » ajouta Marie en s'adressant à l'ami du docteur, confuse, désolée de la mauvaise opinion que cet étranger devait concevoir de Frédéric, « je ne sais pas ce que veut dire mon fils, j'ignore ce qui est arrivé. Mais je vous en supplie, monsieur, excusez-le. »« Rassurez-vous, madame, c'est moi qui ai besoin d'être excusé, » répondit David avec un sourire bienveillant. « Tout à l'heure, en faisant observer à monsieur votre fils, » qu'il se penchait imprudemment à cette fenêtre, j'ai eu le tort de le traiter un peu en écolier. Que voulez-vous, madame ? Ce cher enfant est tout fier de ses 16 ans, et il a raison, car à cet âge, reprit David avec une gravité douce, l'on est déjà presque un homme, et l'on comprend mieux encore tout le charme, tout le bonheur de l'affection maternelle. Monsieur ! S'écria impétueusement Frédéric, les narines dilatées par la colère, tandis que son pâle visage se couvrait d'une vive rougeur, « Je n'ai pas besoin de leçons. » Il sortit rapidement. « Frédéric !» dit vivement Marie à son fils d'un ton de reproche au moment où il quittait le salon. Puis, tournant vers David sa figure angélique où brillaient, humide de larmes, ses grands et doux yeux bleus, elle reprit avec une grâce touchante. « Ah, monsieur, encore pardon. Vos bienveillantes paroles de tout à l'heure me font espérer que vous comprendrez mes regrets. Qu'il me mérite du moins votre indulgence pour ce malheureux enfant. » « Il souffre. Il faut le plaindre et le calmer, » répondit David d'une voix attendrie. Tout à l'heure, j'étais frappé de la pâleur de ses traits, de leur contraction douloureuse. Mais tenez, madame, il est sorti du salon. Ne le quittez pas. « Venez, madame, venez vite, » dit le docteur Dufour en offrant son bras à madame Bastien. Celle-ci, partagée entre la surprise que lui causait la bienveillance de l'étranger et les inquiétudes dont elle était assaillie, suivit précipitamment le docteur afin de rejoindre Frédéric. Resté seul, David s'approcha de la fenêtre. Au moment où il s'y penchait, il vit Madame Bastien, après avoir porté son mouchoir à ses yeux, s'appuyer sur le bras du docteur Dufour et monter dans le modeste cabriolet où Frédéric l'avait précédé, au milieu des rires et des quolibets d'un assez grand rassemblement d'oisifs, resté sur le mail après le passage du cortège de Saint-Hubert et naguère témoin de la mésaventure du laboureur. « Cette vieille rosse n'oubliera pas la bonne leçon que lui a donnée le jeune monsieur le marquis, » disait l'un. « Est-il farce, ce gros poussif, avec son cabas de cabriolet au dos, quand il est venu au milieu des superbes voitures de monsieur le marquis ?» ajoutait un autre. « Ah ah !» reprenait un troisième. « Ce dada-là se souviendra de la Saint-Hubert. »« Oh, moi aussi je m'en souviendrai !» murmura Frédéric d'une voix tremblante de rage. Ce fut à ce moment que Madame Bastien, avec l'aide du docteur, remonta dans le cabriolet. Alors, Frédéric, exaspéré par les railleries grossières qu'il venait d'entendre, fouetta d'une main furieuse le vieux cheval, qui partit au galop à travers le rassemblement. En vain, Madame Bastien supplia son fils de modérer l'allure du cheval. Plusieurs personnes faillirent être écrasées. Un enfant, ne se rangeant pas assez vite, reçut de Frédéric un violent coup de fouet. Mais bientôt, tournant rapidement à l'extrémité du mail, le cabriolet disparut au milieu des clameurs irritées de la foule qui le poursuivait de ses huées menaçantes.